Aujourd'hui dans Affaires sensibles, le corbeau ou la légende noire d'Henri-Georges Clouzot. Un coup de tonnerre, une tornade brusquement déchaînée. Voilà comment le journaliste Roger Régent décrit le corbeau d'Henri-Georges Clouzot sorti sur les écrans français en 1943, au cœur de la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation. Ce qui n'est pas anodin, évidemment. De contexte, le sujet du film, la personnalité et le talent du réalisateur, tout concourt à donner à ce long métrage un parfum de scandale. Henri-Georges Clouzot réussit même à se mettre à dos l'Allemagne nazie, la France pétainiste et la Résistance. Quel est donc ce film? Pourquoi provoque-t-il un tel vent d'opposition? Comment a-t-il été écrit, tourné, produit, diffusé, puis interdit? Pourquoi a-t-il à la fois consacré Henri-Georges Clouzot comme maître du cinéma et bouc émissaire du 7e art à cette époque? Pour répondre à ces questions, le temps d'une émission, nous allons nous plonger dans ces années sombres, où des hommes et des femmes emportés dans le chaos de l'histoire ont continué à vivre ou à survivre, confrontés à des décisions, des choix et des nécessités dont ils porteront longtemps le fardeau. En seconde partie d'émission, nous recevrons Pierre-Henri Gibert, réalisateur de documentaires. Il est l'auteur du film intitulé « Le scandale Clouzot » produit par Talvec Productions et diffusé sur Arte. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Simon Mézanob, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Laigle. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Il y a des moments où les problèmes moraux personnels prennent le pas sur les problèmes qui se posent à l'individu en face d'une société, et puis d'autres cas où la pression des événements extérieurs est telle que les préoccupations d'une morale individuelle passent après ceux que l'actualité vous pose, hélas, avec acuité. Hier ist der Großdeutsche Rundfunk mit allen deutschen Sendern. Voici la grande radio allemande. Wir geben eine Sondermeldung aus dem Führerhauptquartier. Voici une annonce spéciale du quartier général du Führer. Le commandant en chef de la Wehrmacht fait savoir l'effondrement complet de tout le front français. Paris a par conséquent été déclarée ville ouverte. Ils sont entrés soit par ici, soit par Ivry. Paris, 14 juin 1940. Les troupes allemandes pénètrent dans la capitale française. C'est la défaite et c'est l'exode. L'armistice est signé, l'occupation du pays commence. Pour le pouvoir nazi, la ville lumière sera celle des plaisirs, où les soldats allemands viendront en permission profiter des restaurants, des cabarets, des cinémas, avant de retourner au front. Autrement dit, un Éden pour les monstres, et puis quoi encore? Non. Les loups sont entrés, mais depuis le printemps, la ville s'est vidée. La plupart des Parisiens ont fui vers le sud et la zone dite libre. L'économie, comme dans le reste du pays, s'est arrêtée depuis plusieurs mois. Il est donc essentiel pour le Troisième Reich de relancer l'activité sans attendre. Et le 7e art ne doit pas échapper à cette reprise en main. Sauf que là encore, une partie de la profession s'est exilée. Marcel Ophuls, Jean Renoir, René Clair. Et si quelques autres continuent de tourner dans les studios de la zone libre, les chiffres de la production française s'écroulent. Depuis Berlin, c'est le ministre de la propagande, Joseph Goebbels, qui tire les ficelles. Le 1er novembre 1940, il crée une société de production française à capitaux allemands, la Continental Film, et il nomme à sa tête un certain Alfred Greven. Héros de la Première Guerre mondiale, membre du Parti National Socialiste dès 1931, cet homme de 43 ans est un ancien directeur de l'UFA, la plus grande firme de production cinématographique allemande. Il connaît cette industrie sur le bout des doigts. Si ce dernier est placé sous l'autorité de Max Winkler, en charge lui de la production allemande et pour l'aspect financier d'Hans Bauermeister, tout le reste du personnel est français. Pour lancer la société, Greven dispose de moyens financiers importants. Oui, mais vu que la plupart des metteurs en scène et des techniciens réputés ont quitté le pays, il se tourne vers de jeunes talents qui cherchent à travailler. Parmi eux, à la fin de l'année 40, un scénariste de 33 ans, Henri-Georges Clouzot. La première fois que j'ai commencé à m'occuper de cinéma, je ne savais pas du tout. C'était en qualité de critique et je devais avoir 12 ou 13 ans à peu près. Et puis, je me suis mis à écrire pour le théâtre. Et un beau jour, j'ai rencontré Henri Janson, qui avait envie de faire du cinéma. Moi, j'avais une idée de scénario. Nous nous sommes mis ensemble pour l'affaire. Ce scénario n'a jamais été tourné, ne le sera jamais. D'ailleurs, nous l'avons perdu tous les deux. Et c'est comme ça que je me suis engagé dans le cinéma sans savoir qu'un jour, je ferais de la mise en scène. C'est sur le tas, en réalité, qu'Henri-Georges Clouzot est arrivé au cinéma, passé un temps par la politique, puis le journalisme, avant de faire ses gammes comme dramaturge, puis scénariste. Il connaît Alfred Greven depuis qu'il a travaillé en Allemagne, dans les années 30. C'est d'ailleurs, outre-Rhin, qu'il a fait ses premiers pas au cinéma, notamment pour l'adaptation de films allemands en français. De santé fragile, il est stoppé en plein élan lors de son retour à Paris et doit passer 4 ans dans un sanatorium. Alors qu'il est de nouveau apte à travailler, la guerre éclate. Au mois de décembre 1940, Henri-Georges Clouzot est engagé comme dialoguiste sur un film produit par la Continentale, Le Dernier des Six. Son travail sur le scénario plaît beaucoup à Alfred Greven, qui lui propose, dans la foulée, d'entrer à la Continentale, au bureau des scénarios, justement. Dans un premier temps, Clouzot refuse, il veut rester libre. Mais la nécessité financière et les conseils du réalisateur Henri Decoing, qui travaille pour la Continentale, finissent par le convaincre. C'est ainsi qu'il devient le chef du département scénario au sein de l'entreprise. Mais celui qu'on rebaptise bientôt Clouzot Rayon Vert, pour sa capacité à raturer, écrire, réécrire les scénarios, se sent vite à l'étroit entre le papier et le stylo. Souvent déçu par ce qu'il voit à l'image, il rêve à son tour de mettre en scène. En 1942, Alfred Greven lui permet de réaliser son premier film, L'Assassin habite au 21, un succès public et critique de plus pour la Continentale. Un peu plus d'un an après son lancement, Alfred Greven a fait de la Continentale une société qui réussit, un succès qui agace Joseph Goebbels. Le ministre de la propagande allemande le convoque le 19 mai 1942 à Berlin. Et voici ce que Goebbels note dans son journal après cette entrevue. Greven a eu entièrement tort en pensant qu'il devait relever le niveau des films français. C'est une erreur. Ce n'est pas notre travail de fournir aux Français de bons films et ce n'est certainement pas notre tâche de leur donner des films qui sont sans reproche au point de vue de leur tendance nationaliste. Si le peuple français est satisfait avec de la guimauve légère, nous devrions nous attacher à produire ce genre de Kaamelott pas cher. Ce serait une folie pour nous de promouvoir une concurrence contre nous-mêmes. Nous devons devenir le pouvoir dominant du continent européen. Après que j'ai parlé longuement avec lui, Greven réalise la sagesse de cette position et la poursuivra dans le futur. De retour à Paris, Alfred Greven donne son accord pour la production d'un nouveau film, le deuxième réalisé par Henri-Georges Clouzot. Contrairement à sa précédente expérience, cette fois le réalisateur est à l'initiative du projet. Pour le scénario, il s'associe à Louis Chavance, qui avait déposé un script à la Société des auteurs en 1937 intitulé « L'œil du serpent ». Le scénariste s'inspire d'un fait divers qui, 10 ans plus tôt, avait défrayé la chronique dans la commune de Tulle, en Corrèze. Au début des années 20, en effet, un mal étrange touche la petite ville. Des lettres signées l'œil du tigre sont adressées aux habitants. On peut y lire des révélations plus ou moins vraies sur les secrets de la sous-préfecture. Infidélité, corruption, dénonciation, l'œil du tigre envoie près de 3000 missives. Et la peur, l'angoisse, la rumeur traversent la paisible bourgade. Finalement, un criminologue, Edmond Locard, s'intéresse à l'affaire, organise une dictée de plusieurs heures et finit par trouver l'anonymographe. La coupable est une femme de 35 ans, atteinte de folie. Elle s'appelle Angèle Laval. À la lecture des scénarios de Louis Chavance, Henri-Georges Clouzot est immédiatement séduit. Il y trouve les thèmes qui l'inspirent, de la noirceur, de l'intrigue, la critique acerbe aussi de la notabilité provinciale et de ses institutions. Enfin, et surtout, un sujet particulièrement en prise avec l'époque, la délation par lettre anonyme, une pratique encouragée par le gouvernement de Vichy pour lutter contre la résistance. L'appel du maréchal Pétain demandant aux Français de se dresser contre les complots de l'étranger. Et notre chef ajoutait « Je vous jette ce cri d'une voix brisée. Ne laissez plus faire de mal à la France. » Depuis le début de l'occupation, les autorités allemandes, rapidement relayées par la police française, encouragent la population à dénoncer ce qu'on suspecte d'être bolchévique, juif ou terroriste, bref, ennemi du régime. Depuis 3 ans, ce sont des centaines de milliers de lettres que reçoivent les différents ministères ou la commandante tour allemande. Dans tout ce courrier nauséabond, on dénonce pour la récompense ou par motivation politique, mais aussi, et souvent d'ailleurs, pour cibler un voisin, une connaissance, un concurrent, parce qu'on le soupçonne aussi d'être l'amant de sa femme, de nous avoir volé ou parce qu'on vit son commerce. Henri-Georges Clouzot parvient à convaincre Alfred Greven, d'abord réticent, mais le cinéaste argumente habilement. Il s'agit de l'adaptation d'un fait divers, un film à suspense avec une intrigue simple et la traque du coupable comme fil conducteur. Alfred Greven donne son accord, le tournage peut commencer. Mai 1943, dans la petite commune de Montfort-l'Amaury, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Paris, Henri-Georges Clouzot donne les premiers tours de caméra des corbeaux. À la technique, il travaille pour la première fois avec le chef opérateur Nicolas Ayer, qui vient tout juste d'être embauché à la Continentale. Ce dernier est un membre éminent de la Résistance, qui intègre la firme sur la demande de son chef de réseau, Jean-Paul Le Chanois, cinéaste qui travaille lui aussi sous couverture à la Continentale. Idem pour le son avec William Robert Sivel, qui fait partie d'un groupe clandestin d'anciens combattants. Côté casting, Clouzot reconstitue le duo d'acteurs de L'Assassin habite au 21, son précédent film avec Pierre Fresnay pour le personnage principal et Pierre Larquet dans le rôle du médecin psychiatre. Du côté des femmes, pour la séductrice, il choisit Ginette Leclerc, vedette depuis sa composition chez Marcel Pagnol pour La femme du boulanger. Elena Manson, habituée au rôle de fille légère, se retrouve elle dans le costume de la terrifiante infirmière. Même les seconds rôles sont occupés par des acteurs reconnus et confirmés, comme Noël Roquevert dans celui du directeur d'école, ou Micheline Français, qui incarne l'assistante sociale. Tout est en place. Action, moteur, ça tourne. Le corbeau envoie ses premières missives. Première. Ma femme a reçu hier une lettre anonyme. On vous accuse de délivrer les faibles femmes d'un fardeau en voilà. Vous êtes prévenu? Si je connaissais le salaud. Tout de suite les grands mots. Mon cher, j'ai la chance de connaître assez bien la question. J'ai été nommé plusieurs fois expert dans les affaires de lettres anonymes. Croyez-moi, nous ne sommes pas en présence d'un méchant, mais d'un malade. Mais je me charge de le soigner. Quand vous l'aurez découvert. Bâti sur les principes du récit policier, Clouzot pose les jalons de sa mise en scène. Prendre le spectateur par surprise, le faire pénétrer d'emblée dans le cœur du sujet. Il déploie alors une galerie de personnages, tour à tour victimes et suspects. Tout est mis en place pour créer l'ambiguïté. Les acteurs sont dirigés à contre-emploi de leur rôle traditionnel. La mise en scène, avec le travail sur le clair-obscur, le jeu d'ombre constant dans la veine expressionniste, renforce la volonté de créer le suspense, l'ambiance suffocante, le trouble. Une scène en particulier illustre cette idée. Les deux personnages principaux, Pierre Fresnay et Pierre Larquet, se retrouvent face à face. Une lampe bascule au-dessus du second, éclairant ou assombrissant son visage, tantôt angélique, tantôt démoniaque. Vous êtes formidable. Vous croyez que les gens sont tout bons ou tout mauvais. Vous croyez que le bien, c'est la lumière et que l'ombre, c'est le mal. Mais où est l'ombre? Où est la lumière? Où est la frontière du mal? Savez-vous si vous êtes du bon ou du mauvais côté? Quelle littérature! Il n'y a qu'à arrêter la lampe. Arrêtez-la! Vous êtes brûlé. Vous voyez, l'expérience est concluante. Depuis qu'il souffle sur la ville un tourbillon de haine et de délation, toutes les valeurs morales sont plus ou moins corrompues. Vous êtes atteint comme les autres. Vous tomberez comme eux. L'atmosphère étouffante du film est aussi le reflet du tournage. Dès son deuxième film, Henri-Georges Clouzot impose sa signature, celle d'un réalisateur intransigeant et colérique. D'ailleurs, son assistant quitte le plateau au bout de quelques semaines. Les acteurs, eux aussi, sont soumis à rude épreuve. Pour une scène de gifle, l'un des comédiens qui portait sa chevalière sur les prises précédentes est contraint de la conserver pour les raccords. Il retient donc son geste au moment de porter la main sur l'actrice Ginette Leclerc. Clouseau le voit. Le sang, ça ne lui convient pas. Alors il insiste et l'acteur s'exécute. La comédienne, elle, finit en larmes. Quelques années plus tard, Clouseau reviendra sur sa méthode de travail avec les comédiens. Je suis exigeant avec moi, ce qui me donne le droit d'être exigeant avec eux. On forme une équipe à un certain moment donné et le moindre écart risque de briser le climat. Je crois qu'il faut mettre les acteurs dans un certain état physique et les laisser aller. Ce qui est difficile, c'est de les mettre dans cet état physique quand c'est un état paroxystique. La tension sur le tournage et dans le film s'intensifie au fil des semaines. Si Clouseau parvient à mobiliser son équipe et ses acteurs, finalement, c'est plus compliqué du côté de la production. Alfred Reven voit bien que ce film en gestation ne passera pas inaperçu. Les menaces sont de plus en plus pressantes. À la fin du tournage, un décor important est même détruit sur ordre administratif avant même que tous les plans n'aient été tournés. C'est que, derrière cette histoire de corbeau qu'il filme comme une maladie qui se propage, celle de la rumeur et de la délation, Clouseau porte un regard sans concession sur le pays. Au-delà des personnages, c'est tout un pan de la société française de l'époque qui est passé au crible par le cinéaste. Au détour des lieux typiques de la commune, cimetière, école, hôpital, boutique, les institutions comme l'église, les notables, les médecins ou les politiciens locaux sont épinglés. Les sujets abordés, comme l'avortement, la drogue, la sexualité, sont en porte-à-faux complet avec l'idéologie pétainiste. Et puis bien sûr, il y a le regard terrible porté sur l'actualité, sur les lettres anonymes, notamment dans cette scène qui se déroule dans les bureaux de la Poste. Encore une. Est-ce qu'on va continuer à les distribuer, oui ou non? Ah, naturellement, tant qu'on aura pas d'ordre. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? On devient complice, alors. Terminé. Vous ne semblez pas avoir conscience de notre mission. Quelles que soient les circonstances, une lettre qui nous est confiée doit être remise à son destinataire. Grandeur et servitude postale. Car celle-ci, pour moi, je la prends. Chez Clouseau, il n'y a pas de bon ou de méchant. La responsabilité est collective. Dans cette tragédie du mensonge, de la trahison, des faiblesses humaines, tous sont coupables. Oui, telle est la morale de l'histoire. C'est la société entière qui est plongée dans ce mal qui apparaît comme nécessaire, révélateur des noirceurs de la nature humaine. Voyez-vous, Vendée, ce genre de crise n'est pas inutile. On en sort comme le convalescent émerge de la maladie plus fort et plus conscient. C'est terrible à dire, mais le mal est nécessaire. Malgré les difficultés, Henri-Georges Clouseau parvient à terminer son film. Après plusieurs semaines de montage, il doit arriver sur les écrans à la fin du mois de septembre. Mais, deux jours avant la première, le réalisateur est licencié de la Continentale après une dernière brouille avec Alfred Reven. C'est donc la fin d'une relation singulière entre les deux hommes, faite de confiance et de nécessité, de talent pour l'un, de travail pour l'autre. Alors que la porte se ferme, le rideau s'ouvre, le corbeau de Clouseau n'a pas fini de faire parler de lui. Seigneur, quand froide est la prairie, quand dans les hameaux abattus, les longs angélus se sont tus sur la nature des fleuries. Faites s'abattre des grands cieux, les chers corbeaux délicieux, les chers corbeaux délicieux. Armée étrange aux cris sévères, les vents froids attaquent vos nids. Vous, le long des fleuves jaunis, sur les routes aux vieux calvaires, sur les fossés et sur les trous, dispersez-vous, ralliez-vous, dispersez-vous, ralliez-vous. Par milliers sur les champs de France, où dorment des morts d'avant-hier, voyez, n'est-ce pas l'hiver pour que chaque passant repense? Sois donc le crieur du devoir au notre funèbre oiseau noir, au notre funèbre oiseau noir. Mais saint du ciel, en haut du chêne, m'a perdu dans le ciel charmé, laissez les fauvettes de mai pour ceux qu'au fond du bois enchaînent dans l'herbe d'où l'on ne peut fuir. La défaite sans avenir, la défaite sans avenir. 28 septembre 1943, Paris, cinéma La Normandie, près des Champs-Élysées. Il y a foule ce soir pour la présentation du nouveau film d'Henri-Georges Clouzot, produit par la société française au capitaux allemand Continental Film. Depuis quelques jours déjà, badauds et passants dans ce Paris occupé de la fin de l'été peuvent apercevoir ces affiches d'un genre nouveau qui annonce le film. Une campagne de publicité dont tous les journaux accompagnent la sortie du corbeau avec ses phrases « De l'encre qui fait couler du sang, un voile levé sur l'odieuse pratique des lettres anonymes, la honte du siècle, les lettres anonymes. La loi est-elle assez armée pour en punir les auteurs ?» À l'origine de cette campagne, le directeur de la publicité au sein de l'Alliance cinématographique européenne, Marcel Collin-Reval, membre actif de la Résistance. Bien sûr, la Gestapo et le commandement militaire allemand voient d'un mauvais œil cette promotion inédite et pour le moins provocante. D'autant plus qu'elle fonctionne. Oui, le Corbeau est un succès populaire. Plus de 240 000 spectateurs au bout de 9 semaines. Le choc esthétique et moral du film ne laisse personne indifférent ou presque. La presse salue dans sa grande majorité une œuvre remarquable, comme on peut le lire sous la plume de François Holban dans Paris Midi le 7 octobre 1943. Ce film est proprement et avant tout sensationnel. Son non-conformisme, sa violence tranquille, son amertume, sa diabolique intelligence du détail, son ironie féroce, sa cruauté diaprée vont ahurir ou enchanter, et parfois les deux. Mais les critiques ne sont pas absentes. La presse collaborationniste, notamment, est mal à l'aise. Car non content de dénoncer la pratique des lettres anonymes, le film passe au crible les institutions et les valeurs défendues par la Révolution nationale des maréchal Pétain. D'ailleurs, le comité d'organisation de l'industrie cinématographique, organisme fichiste, tente, mais en vain, d'obtenir de la Continentale qu'elle retire le corbeau des écrans et ne le distribue pas à l'étranger. Alfred Greven prend note de la demande, mais n'entend pas l'appliquer. Et le film bat des records d'audience, en Suisse notamment. Le Corbeau provoque cette citation ubuesque. Il n'aurait jamais passé la censure de Vichy et il a été rendu possible uniquement parce qu'il a été réalisé au sein de la Continental, une société sous contrôle allemand. Alfred Greven, d'ailleurs, est attaqué de toutes parts, puisque c'est au tour de la commandante Tour de se plaindre. L'œuvre décourage les auteurs des lettres anonymes à une période de la guerre où les délations sont indispensables à l'occupant face à la résistance et la guerre en dehors des frontières. L'UFA, la principale société de production d'Outre-Rhin, censure le film en Allemagne. Mais si le corbeau déplaît autant à la France vichiste et à l'occupant allemand, il est tout autant dénoncé dans la presse clandestine, oui, celle qui soutient la résistance. En mars 1944, un article lance les hostilités. Le papier est intitulé « Le corbeau est déplumé ». Comme il n'y a pas de censure à la Continentale, il règne dans le corbeau une facilité d'expression qui fait croire à la liberté de penser. Grossier piège bien nazi. Une apologie de la lettre anonyme qui va jusqu'à nous montrer comment elle se confectionne sans danger. Recette qui peut, qui doit servir la Gestapo. Mais ce qui amplifie encore le danger, c'est que le film est techniquement très bien fait. Monsieur Clouzot et son coéquipier Chavant sont bien travaillés pour Monsieur Goebbels. En somme, un film qui n'a pas su montrer une seule image autre que grimaçante n'est pas un film humain. C'est la définition du film nazi pur. Et sur le dos de la France. Derrière cet article anonyme, tiens donc, se cachent deux hommes, Georges Adam et l'acteur Pierre Blanchard. Le premier rédacteur en chef des lettres françaises que rejoint l'écran français, la revue du comité du Front National de lutte pour la libération. De ce brûlot, naît une rumeur. Le corbeau aurait été projeté en Allemagne sous le titre « Une petite ville française ». La compromission d'Henri-Georges Clouzot serait donc complète. Une rumeur qui marque le film et son réalisateur comme si le corbeau continuait son œuvre au-delà même du film, alors même que le 25 août 1944... Marie vit au contraire s'arrache à ses 4 années de captivité. Libération ! Le général de Gaulle, qui fut le premier à vouloir cette libération, est entré à son tour dans la ville libre. Pour la première fois depuis 4 ans, un micro français parle français. Qui sommes ici, chez nous, dans Paris, levé, debout, pour se libérer, et qui a su le faire de ses mains. Non, nous ne dissimulerons pas. cette émotion frappante. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Rire, charmant Elvire, les loups sont sortis de Paris. Et l'épuration commence. Dans le cinéma comme ailleurs, évidemment, le cas de Continental Film est un morceau de choix. Dès le 4 septembre 1944, le Comité de Libération du Cinéma établit une liste de 8 cinéastes dont l'activité est immédiatement suspendue. Henri-Georges Clouzot fait partie de la charrette. Tout le catalogue de la firme est saisi et 3 films sont interdits, parmi lesquels Le Corbeau. Le réalisateur est convoqué devant la commission d'épuration du cinéma le 17 octobre 1944. Face à lui, 3 hommes, André Guien, Léon Matteau et André Berthomieux. Les 2 derniers réalisateurs connaissent Henri-Georges Clouzot. Le début de l'interrogatoire est courtois. La discussion porte sur le film Le Corbeau, considéré comme une œuvre anti-française et plus largement sur ses activités au sein de la firme allemande. Et Clouzot se défend. Voilà exactement pourquoi j'ai fait cela. J'en avais par-dessus la tête des lettres anonymes. On vivait sous un régime affreux de dénonciation. Je dois dire que Bauermeister, le directeur de production, trouvait que c'était un sujet trop violent et trop dur. Je me suis bagarré avec Greven qui me disait « c'est un film extrêmement dangereux ». Mais je tenais à le faire. Il me plaisait. C'était un bon film révolutionnaire. Il m'a dit « bon, vous en prenez la responsabilité, faites-le ». Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi on considère que Le Corbeau montre une humanité particulièrement pourrie. On a créé une psychose. À l'intérieur du COIC, où ils ont éprouvé une réaction différente, ils se disaient « c'est tout de même emmerdant que la Continentale puisse faire des films que les maisons françaises ne peuvent pas faire pour des raisons de censure ». À l'issue de l'entretien, la commission confirme la suspension du réalisateur, comme celle de toute l'équipe du film. Pierre Fresnay, l'acteur principal, doit répondre de ses 4 films tournés pour la Continentale et de sa présidence à la tête du syndicat des acteurs. Il passe 6 semaines en prison. Ginette Leclerc, qui aurait commis d'autres actes de collaboration, est arrêtée et emprisonnée pendant 1 an. Enfin, Louis Chavance, le scénariste, est lui aussi suspendu par la commission. Dans la foulée de ces sanctions, de nombreux collègues se mobilisent pour soutenir Henri-Georges Clouzot. Marcel Collin-Reval, résistant et directeur pour la publicité pour la Continentale, assure que le film n'a jamais été projeté en Allemagne comme le véhicule la rumeur. Jean-Paul Chanois, lui aussi résistant, rappelle que Clouzot a couvert son engagement par la Continentale, qu'il a caché son vrai patronyme, Dreyfus. Enfin, Claude Vermorel, lecteur de scénario pour Clouzot et membre de la CGT clandestine, résume l'attitude du réalisateur par ces mots. C'est un type qui exerçait son métier, qui était content que les Allemands lui aient offert une chance. La faute de Clouzot est celle-ci, c'est de n'avoir pas considéré qu'un patron allemand était un patron différent des autres. Puis c'est au tour des intellectuels et des artistes de défendre le cinéaste. Dans le premier numéro des Temps modernes, sous la direction de Jean-Paul Sartre, une tribune est publiée. Qui a condamné Clouzot? Ils ne savent pas. Ils étaient opposés à la sentence. Au reste, ils s'en lavent les mains. Fort bien. Et quelle est la condamnation? Suspension sans limite de temps. Mais tous les 6 mois, le condamné ira trouver le COIC et on pourra reconsidérer son cas. Quelle admirable tartufferie! Personne n'a jugé, personne n'est responsable. Et les anonymes qui ont pris la décision susdite n'ont pas même eu le courage de rendre une sentence ferme. Albert Camus, Jean Cocteau, Jacques Prévert ou Jacques Becker, tous dénoncent le statut de bouc émissaire endossé par Henri-Georges Clouzot. Mais rien n'y fait. Le 16 novembre, le Comité de Libération du Cinéma confirme la sanction minimale, suspension d'activité professionnelle pour une durée indéterminée. Pendant les mois et les années qui suivent, Le Corbeau interdit continuera de faire parler de lui, au gré d'une tribune de soutien ou d'un événement, comme la publication du scénario. De passage à Paris, de nombreux réalisateurs étrangers comme Orson Welles ou Anatole Litvak demandent souvent deux faveurs. Pouvoir regarder le corbeau, uniquement projeté dans les caves de l'ambassade américaine, et rencontrer le réalisateur. Clouseau, lui, se retrouve de nouveau dans l'incapacité de travailler. En février 1946, il demande la révision de son procès et la levée des sanctions. Trois mois plus tard, sa suspension est réduite à 6 mois. Et ça veut dire qu'il peut reprendre le chemin du travail et de son œuvre. Aujourd'hui, on dit rarement anonymographe, mais plus souvent corbeau. Souvenez-vous de l'affaire Grégory, un exemple emblématique, signe de l'impact qu'a eu ce film hors norme. Un film, un réalisateur, témoin d'une époque sombre où l'on entend encore les mots de l'écrivain Romain Rolland et que Clouseau aurait pu prendre pour maxime. Voici ces mots. Un héros, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais vois-tu, j'imagine, un héros, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il peut, les autres ne le font pas. J'ai cru mourir 3 fois dans ma vie. Et je me suis aperçu que c'était important de mourir. Et si je fais un vœu maintenant, j'espère que j'aurai le même courage que j'ai eu les fois où c'était une répétition, je voudrais être conscient de ma mort parce que je crois que ça fait partie de la vie. In my solitude, you haunt me with revelries of days gone by. In my solitude, France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le corbeau d'Henri-Georges Clouzot. Notre invité, Pierre-Henri Gibert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur de documentaires. Vous êtes auteur du film intitulé Le Scandale Clouzot, produit par Atalvec Productions et diffusé sur Arte. Ajoutons qu'actuellement, la Cinémathèque française consacre une exposition intitulée Le Mystère Clouzot jusqu'à cet été. Alors, on va s'arrêter sur ce film, bien sûr, Le Corbeau et sur sa place dans l'œuvre de Clouzot. C'est son deuxième film après L'Assassin habite au 21. D'un point de vue déjà purement cinématographique, que pensez-vous du Corbeau? Parce que, évidemment, il y a tout ce qu'il y a autour du Corbeau, tout ce que ça génère. Mais c'est d'abord un film, d'abord une œuvre, une démarche artistique. Donc, de ce point de vue, quel est votre regard sur ce film? Moi, je trouve que c'est un film tout à fait remarquable, parce que c'est la première fois que Clouzot a les pleins pouvoirs. Et donc, c'est la première fois où on voit vraiment la maestria de Clouzot se déployer. Et en même temps, comme vous le dites, c'est le film de son avènement, mais ça aurait aussi pu être le film de sa chute. Quand il a démarré le cinéma, enfin non, pas le cinéma, mais le spectacle, quand il a appris le spectacle par la chanson, il avait écrit une chanson pour Marianne Oswald qui s'appelait « Jeu de massacre ». Et en fait, c'est exactement ce qu'est le corbeau. C'est ça qui est absolument fascinant. C'est que tout le monde en prend pour son grade. Il y a un souffle, finalement, anarchisant, complet. Contre la police, puisqu'elle est incapable, c'est finalement le docteur Germain qui mène l'enquête. Contre le préfet, qui a l'air de tenir des discours ineptes. Contre le maire, qui dit « Que faire ? N'importe quoi, mais donnons l'impression d'agir !» C'est une réplique que j'adore. Contre le curé local, qui dit que le Dieu a éloigné de vous ce fléau. Et à ce moment, tout le monde lève les yeux vers le ciel, on croit à une apparition, et c'est une apparition, oui, mais d'une lettre anonyme qui arrive au milieu des paroissiens, et jusqu'à la justice, puisque le substitut déclare que finalement, ne pouvant se débarrasser du corbeau, peut-être devrions-nous nous attaquer au docteur Germain. Et donc, le représentant de la justice officielle, en 1943, ne pouvant s'en prendre à l'oppresseur, décide d'essayer d'obtenir ses faveurs en s'en prenant à une victime désignée. Donc c'est complètement hallucinant de voir ça. Et finalement, vous avez formidablement finalement retracé l'ascension de Clouzot, qui était très en retard professionnellement lorsque les Allemands sont arrivés. Et donc, petit à petit, il a su s'attirer les faveurs de Greven. Voilà, et arriver à la tête du département scénario, devenir réalisateur. Et donc, finalement, c'est une carrière d'opportuniste. Et lorsqu'il a enfin les pleins pouvoirs, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un film quasiment suicidaire. C'est ça qui est fascinant. Absolument, absolument. Voilà. Alors, suicidaire, et il y a déjà les ingrédients de ce que sera sa filmographie jusqu'au diabolique. Le choc de l'image, l'angoisse, l'efficacité dans les dialogues. Je ne me souviens plus de L'Assassin habite au 21, je l'ai vu, je ne me souviens plus exactement. Mais est-ce que dans Le Corbeau, il y a tous les ingrédients de ce que sera le cinéma de Clouzot ? Comme une matrice, quoi. À moins que L'Assassin habite au 21 en fût une aussi, mais je me souviens pas du film. Non, c'est-à-dire que L'Assassin habite au 21, ce qu'il a de tout à fait commun à toutes les autres œuvres de Clouzot, c'est qu'il y a déjà une écriture un peu à l'américaine, il y a un rythme enlevé, il y a une efficacité visuelle extraordinaire, des grands moments de silence avec une sorte de terreur qui règne, qu'il y a une claustrophobie qu'on va retrouver tout le temps chez Clouzot. Mais après, il y a une contrainte qui est celle d'une sorte de petite comédie policière. C'était la contrainte. Ok, vous pouvez passer réalisateur à condition de refaire un film dans le genre de ce qui a marché. En l'occurrence, c'était Le Dernier des Six. Bon. Et donc, le Corbeau, c'est la première fois qu'il déploie vraiment on pourrait dire la noirceur du regard qui est le sien, que vous avez rappelé par cette scène de la lampe, qui est grosso modo de dire qu'on est tous coupables, voilà. Où pourrions l'être ? Ce qui pour lui revient au même. Potentiellement, en tout cas. Voilà. Ouais. Ce qui revient au même. Ouais. Et donc, il va finir par catholique à la fin de sa vie, Clouzot, mais il y a dans cette culpabilité universelle partagée un refus déjà des classes sociales et une forme d'humanisme. Qui passerait par le pardon, s'il est devenu justement catholique. Oui, c'est ça, absolument. C'est quand même le pilier de la pensée chrétienne, le pardon. C'est totalement ça, c'est-à-dire que si tout le monde est coupable, pourquoi s'en prendre particulièrement à ceux qui ont commis le crime, puisque tout le monde aurait pu le commettre. C'est ça, Clouzot. Et en même temps, il y a aussi une forme de... Il épouse ce qui va être, par exemple, les théories de Hannah Arendt, finalement 20 ans plus tard, donc pendant le procès Eichmann, qui consiste à penser qu'il n'y a pas de monstres. Le mal n'est pas forcément commis par des monstres du crime. Le mal peut être commis par un petit fonctionnaire. Par les gens ordinaires. Voilà. D'où le titre du livre, Les gens ordinaires. Absolument. Hein, qui racontait une période très sombre. Et Clouzot voilà, souscrit totalement à ça. Alors évidemment, c'est une idée bien plus dérangeante. Bien sûr. Il n'y a pas les mauvais et les gentils. On a tous en nous une part de monstruosité. C'est tout ça de la facilité. Ouais. Et puis alors en 43, alors ça évidemment, si Le Corbeau était sorti avant ou après, il aurait eu beaucoup de poids, hein, beaucoup d'impact, mais peut-être un peu moins qu'en 1943. Alors on se demande comment on n'a pas vu à l'époque le côté sulfureux du film, si on l'adosse à ce qu'était cette période de trouble de l'occupation. Pourquoi Greven, lui non plus, n'a pas vu le côté sulfureux? Ça paraît un peu dingue quand même que Henri-Georges Clouzot ait pu faire un film comme ça, à ce moment-là. Et tant mieux d'ailleurs. Alors, effectivement, le mérite de La Continentale, c'est qu'il échappait déjà à la censure de Vichy. Et effectivement, d'avoir un film avec un personnage principal qui est un avorteur, je pense que jamais ce ne serait passé. Bon, ça, c'était le mérite principal. Après, il y a un savoir-faire, une habilité de Clouzot, qui a su, parce qu'il avait travaillé aussi en Allemagne avant-guerre, beaucoup du cinéma français se faisait avant-guerre dans les studios de Berlin. Et donc, il avait une culture des germanophiles. Et du coup, il a su s'attirer les faveurs d'Inan avec Greven. Mais en fait, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a un antagonisme. Il y a l'objectif, la commande, les ordres politiques de Goebbels qui consiste à faire des films grosso modo, à fournir du temps de cerveau disponible, c'est-à-dire de pur divertissement, qu'on ne réfléchisse pas de nationalisme, etc. Et l'objectif de Greven, qui est un peu différent, qui est, lui, de faire de l'argent. Car ce qu'on oublie toujours, c'est qu'il y a un conflit total d'intérêts. Il est propriétaire. L'État allemand qui est propriétaire de La Continentale. C'est Alfred Greven à 98%. C'est privé, quoi. C'est une société privée, et pour ça, il utilise tous les moyens qui sont à sa disposition, d'ailleurs, pour faire de l'argent, pour avoir les scénaristes et les scénarios pas chers, pour acheter des salles à des juifs qui ont été spoliés. Donc, Clouzot a tout pour, a priori, l'amadouer. Il a une ambition, donc on se dit, il va être manipulable, formidable. Il a un sens du spectacle, un spectacle qu'il a en plus appris en Allemagne. Vous parliez des ombres et des lumières. Bon, c'est ce qu'il a appris en Allemagne, Clouzot, c'était l'expressionnisme. Il réunit sur son nom, ce qui va continuer, ce qui va faire de lui un des plus grands cinéastes français de l'après-guerre, réunissant sur son nom à la fois des critiques élogieuses et en même temps un succès public énorme. Donc, en apparence, il est inoffensif. Ouais. Et après, Clouzot, là, pour sa défense, il dira, non, mais je ne parle pas de l'occupation. Je parle des années 30, c'est un fait divers. Bien sûr. Voilà. Greven est au Parti National-Socialiste depuis les années 30, c'est un nazi convaincu, mais est-ce que c'est un nazi enragé, ou est-ce que c'est d'abord la culture qui l'intéresse? Qu'est-ce qu'on sait de lui? Alors, ce qu'on sait, c'est que c'est un... Effectivement, il y a une mythologie autour de Greven, faisant de lui l'ami d'Israël et finalement un amoureux des arts. Alors, il y a un livre formidable de Christine Leteux sur La Continentale qui est sorti, que je recommande là aux auditeurs, qui remet elle a fait une étude formidable sur les dossiers des dépurations, les écoutes de Vichy. Et du coup, je crois que c'est Bertolt Brecht qui parlait des nazis comme un gang de malades. Et en fait, c'est tout à fait ce qu'on voit, finalement, c'est une logique quasi-mafieuse. Au fond, le nazisme qui se prétendait être un équilibre entre le communisme et le capitalisme va produire des hommes d'affaires sans aucun scrupule, prêts à tout, et Greven en est le parfait exemple. Il utilise du chantage pour, avoir, par exemple, le scénario de la Symphonie Fantastique à moindre coût, auprès de Henri-André Legrand, qui avait écrit un livre qui était sur les interdits. Il va, donc, je disais, un mélange d'intérêts personnels en rachetant en sous-main via des prête-noms des sociétés à la fois de distribution, faisant du racket auprès des labos de développement des films. Enfin, il y a toute une activité souterraine jusqu'à, c'est la découverte de Christine Leteux, jusqu'à participer à des œuvres de propagande qui n'est pas, ce n'est pas connu, c'est-à-dire qu'il a racheté Forces Occultes, le fameux film de propagande, oui. qu'il a contre la franc-maçonnerie. Absolument, qui revend un circuit de distributeur allemand. Il va signer des contrats pour une œuvre de propagande qui s'appelle la Relève, qui sont signés Continental. Alors évidemment, tout ça, on en parlait pas, mais c'était l'état d'esprit de l'homme. C'est un cynique en fait. C'est un cynique complet. Voilà. Alors, la loi du marché. Oui, c'est ça, exactement. Clouseau, alors qu'est-ce qu'on sait de son regard sur l'occupant ? Alors, justement, c'est ça qui est formidable, et du coup, votre émission y contribue. On réduit souvent Clouseau à des films de pur divertissement, Le Salaire de la Peur, Les Diaboliques, voilà, bon. Mais en fait, Clouseau, et c'est quand on revoit le Corbeau, est un formidable témoin de son temps. Il va parler après des femmes tendues dans Manon, du commerce du marché noir. Il va parler des camps de concentration dans le Retour de Jean, avec une sensibilité assez extraordinaire. Et du coup, cet homme, à cause de sa condamnation assez abusive finalement, on lui a reproché de pas être nationaliste. Finalement, c'est ça. Ouais. Et donc, comme il avait véhiculé une vision un peu sombre de l'occupation, du comportement des Français pendant l'occupation, c'était inacceptable. Ouais. Voilà. Donc tout ça était assez abusif. Mais au fond, je crois qu'il faut revoir justement ces films. C'est un témoignage sur l'époque absolument formidable. Est-ce que la Continentale, on y revient dans la société allemande, permet à une nouvelle génération de cinéastes français d'émerger dans cette période-là ? Oui, absolument. Forcément, la place est libre puisqu'il y a beaucoup de cinéastes, d'acteurs qui sont partis. Voilà, d'autres qui ont été qui ne peuvent plus exercer. Alors ça se fait des fois. Ça peut se faire. Effectivement, Jacques Becker a émergé comme ça. Autant Lara quand même a finalement pris son essor pendant l'occupation. Ce qui lui a été pour lui, il l'a traîné un peu comme un boulet quand même. Autant Lara plus que d'autres. Son cas est plus complexe parce qu'il était plutôt étiqueté communiste, mais il y avait une noirceur comparable à celle de Clouseau. Et puis après, il a complètement déraillé. Il a fini membre du Front National, effectivement parlementaire européen, à faire tenir des propos complètement paranoïaques. Mais indépendamment de ça, Jacques Becker est complètement, ou Robert Bresson, et Henri-Georges Clouseau, effectivement, ont profité du vide. Laissé par créé par la situation dans laquelle la France voilà. était. On va écouter un extrait de votre film, tiens, où le réalisateur Xavier Giannoli parle de la direction d'acteur de Clouseau. Là, on revient sur des considérations purement artistiques et cinématographiques. Il part du principe qu'on ne peut pas exprimer plus que ce qu'on ressent. Et là, ça ne compte pas. C'est ici qu'il ne faut pas aller trop vite. Et que, du coup, si on veut saisir, capter, comme dans un documentaire, quelque chose de la souffrance de l'acteur, il faut le faire vraiment souffrir. Donc il gifle les acteurs, donc il les maltraite, donc il est dur, il a une forme de... Il installe une tension terrifiante sur les plateaux, il y a des milliers de témoignages. On a beaucoup épilogué sur la violence de Clouseau vis-à-vis des acteurs et sur vous en particulier. Oh oui, il m'a foutu une gifle parce que c'était... parce qu'il est fou. Mais c'était très drôle. Ouais, on peut le voir comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu caricatural chez Clouseau qui ferait partie de ces cinéastes qui se sentent obligés d'être durs avec les acteurs pour être efficaces? On en connaît d'autres, hein, comme ça. Bon. Mais oui, parce que là, aujourd'hui, on regarde les metteurs en scène après la nouvelle vague, où c'est des gens sympas qui parlent dans les médias, qui jouent le jeu de la production. Pendant toute une époque, des gens comme Autant Lara, changeons de sujet, Duvivier, Marcel Carnet, ou René Clément, ou Melville, même après, étaient des terreurs. Oui. Ça a été une culture. Voilà, bonne parce que ou mauvaise. Ça n'a rien d'obligatoire pour faire un bon film ou une pièce de théâtre, que le metteur en scène ou le cinéaste soit une terreur. Alors, la Nouvelle Vague... Si c'est une école, c'était bien d'en sortir. Merci à la Nouvelle Vague. Franchement. Oui, non, alors, la nouvelle vague a mis en valeur Jean Renoir, qui était vraiment beaucoup plus doux avec les acteurs et charmant. Moi, j'adore Jean Renoir, donc j'aurais du mal à en dire du mal. Pour autant, aucun acteur ne s'est plaint du traitement d'Henri-Georges Clouzot. Il ne faisait pas ça par sadisme. Non, j'imagine. Évidemment, quand même. Il y a une idée derrière tout ça, qui est de se dire que l'acteur n'est jamais aussi bon que s'il ressent vraiment la tension qui doit être la sienne. C'est une forme de... Non, mais ça, c'est un postulat qui est clair et juste. Voilà. Mais bon, pour y arriver à ça, est-ce qu'on est obligé de passer par la violence? Enfin, bon, non, mais on est absolument... Vous dans non, ce non, débat, vous pas réalisateur. On n'en est pas du tout obligé. Mais il y a énormément de réalisateurs. Est-ce que Kubrick était un tendre? Apparemment, non. Mais non, mais je veux dire, est-ce que Chaplin était un tendre? Mais on n'en parle jamais. C'est-à-dire que c'est d'un coup, cette terreur, parce que au fond, Clouzot l'a utilisé de manière publicitaire. Parce qu'à la différence de Kubrick, qui était multigenre, ou de Chaplin, qui vendait des comédies, lui vendait des films de tension. Absolument. Donc, médiatiquement, c'était formidable pour les journalistes. Ils arrivaient sur les plateaux, et il y avait une histoire qui était déjà écrite, et par le réalisateur lui-même, qui permettait de faire la promotion de ses films. Bon, en tout cas, il restera de Clouzot, d'un point de vue artistique, un formidable maître du polar dans le cinéma français. Il y en a d'autres, Melville, il y en a d'autres, mais enfin celui-là, Clouzot, il aura vraiment marqué le polar, le film noir, et le scénario un peu dingue avec des... Oui, c'est quelqu'un qui ressentait une tension. Et en fait, très jeune, il avait des douleurs cardiaques toute sa vie. Il va d'ailleurs en mourir, ce qui a évidemment un impact sur son caractère. Et très jeune, il a cru mourir. Il a écrit son testament, il avait une tuberculose pulmonaire, il était du coup alité, en marge du monde, dans un sanatorium, et attendant la mort. Et en fait, ça a énormément pesé sur sa sensibilité, sur la distance qu'il a aussi par rapport au jeu de ses contemporains. Et finalement, c'est quelque chose qu'il a diffusé dans tous ses films. Alors après une première période, on découvre aussi un autre Clouzot à partir de Brésil. Le Clouzot interrogateur de forme, il a fait des documentaires sur Picasso, mais aussi le film maudit L'Enfer avec Romy Schneider. C'est pas que le film noir, Clouzot, c'est autre chose aussi. Oui, c'est-à-dire qu'il a toujours voulu bousculer les frontières du cinéma. Alors il le faisait, vous parliez de sa direction d'acteur tout à l'heure, mais quelque part il y a une volonté d'avoir une approche aussi documentaire. C'est aussi ça. Par exemple, quand il filme Brigitte Bardot dans La Vérité, c'est aussi un portrait de Brigitte Bardot, au-delà de son personnage. Donc, une approche documentaire. Dans ses thématiques sur le sexe, il aborde ça comme... peu de cinéastes le font à cette époque-là. Et aussi par les arts. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement... je trouve charmant dans l'approche de Clouzot, c'est qu'il y a quelque chose... Le cinéma doit être le lieu de la réunion de tous les arts. Donc, rendre accessible, y compris des arts comme l'art cinétique dans L'Enfer que vous citez, qui sont a priori... pour une certaine élite, il veut le partager et l'utiliser dramatiquement. Bien, je vais vous poser deux dernières questions un peu difficiles. Vous avez appelé votre documentaire Le Scandale Clouzot, l'expo à la Cinémathèque s'appelle Le Mystère Clouzot. Où est-ce qu'on est plus proche de la vérité? Scandale ou mystère? Vous pouvez me répondre les deux. Ce serait ce que j'ai tendance à penser. Après, moi, je l'ai appelé le scandale Clouzot parce que la vie de Clouzot, vous parlez du Corbeau et de la sortie du Corbeau, c'en est un exemple. Sa direction d'acteur en est un autre et constellé de scandales. Merci infiniment pour merci à vous. Votre éclairage sur ce monsieur Clouzot, ce grand monsieur du cinéma que vous connaissez si bien. Merci. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Le Corbeau d'Henri-Georges Clouzot, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Tristan Gratalon qui était à la technique aujourd'hui.